ce qui vire. Buchenwald. Pour ce qui vire. Bergen, Belsen. Pour ceux qui ont vécu Dachau. Pour ceux qui vécurent Struthof. Pour ceux qui virent la mort, intolérable mort, insupportable souffrance, inutile existence. Pour ceux qui virent la mort, intolérable mort, insupportable souffrance, inutile existence. Pour ceux qui vécurent Ravensbrück. Pour ceux qui vécurent Mauthausen. Pour ceux qui ont vu Struthof. Pour ceux qui subirent Chemno. Pour ceux qui vécurent l'enfer de larmes et de prières et des fosses dans des brouillards sans lune. Pour ceux qui vécurent l'enfer des camps concentrationnaires, d'une impossible horreur, d'une effrayante stupeur. Treblinka. Pour ceux qui vécurent Auschwitz. Pour ceux qui subirent Belzec. Majdanek. Pour ceux qui subirent l'enfer des camps concentrationnaires, d'une impossible horreur, d'une effrayante stupeur. Pour ceux qui virent la mort, intolérable mort, insupportable souffrance, inutile existence. Nahum. Pour ceux qui subirent l'enfer, de larmes et de prières, des fosses communes, dans du brouillard.